Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous arrivons aujourd'hui à la leçon 19. La phrase clé du jour est... Yokatta. Ouf. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de la Thaïlande. Dans la leçon précédente, Anna avait perdu de vue ses amis après être sortie d'une librairie. Elle avait appelé Sakura pour lui demander de l'aide. Anna retrouvera-t-elle Sakura et Rodrigo? Écoutons le sketch de la leçon 19. Notre phrase clé aujourd'hui est... Yokatta. Ouf. よかった。心配したよ。 ごめんなさい。カメラが安かったので、つい見てしまいました。 Laissez-moi vous expliquer le sketch. Rodrigo a retrouvé Anna et l'appelle. Oi, Anna-san. Hey, Anna. Oi. Est une expression informelle pour appeler quelqu'un qui se trouve au loin. Anna-san. Signifie que Rodrigo s'adresse à Anna. Anna répond « Minna ». Tout le monde. C'est plus familier que « Minasan ». Heureux que Anna soit saine et sauve, Rodrigo dit « Yokatta ». Ouf. C'est notre phrase clé aujourd'hui. « Yokatta ». Et la forme au passé de l'adjectif « i ». Bon, les adjectifs japonais ont une forme passée. Yokatta, ouf, est utilisé pour une conversation informelle, entre amis par exemple. Donc, l'expression polie pour conclure une phrase, des, est omise, n'est-ce pas? Oui, yokatta ou yokatta des s'emploie souvent lorsqu'on exprime ce qu'on pense de quelque chose. Pour dire yokatta, vous faites une légère pause après ka. Exerçons-nous à le dire. Yokatta. Rodrigo poursuit. Shinpai shita yo. Nous étions inquiets, ou littéralement, nous nous sommes inquiétés pour toi. Shinpai shita. Et la forme en ta du verbe Shinpai shimasu. S'inquiéter. C'est une façon familière de s'exprimer. Yo est une particule. Si on l'utilise à la fin d'une phrase, cela donne un ton plus serein. On utilise la forme en ta des verbes lorsque l'on parle du passé ou d'une action achevée, n'est-ce pas? Oui, pour être plus poli, on dit « Shinpai shimashita ». Nous étions inquiets ou nous nous sommes inquiétés. Retournons à notre sketch. Anna répond « Gomennasai ». Je suis désolé. Vous dites « Gomennasai ». Je suis désolé lorsque vous présentez vos excuses. Nous avons aussi appris qu'on peut utiliser « sumimasen » pour s'excuser. Quelle est la différence? On dit « gomennasai » lorsqu'on s'excuse auprès de personnes qui nous sont proches, comme notre famille ou nos amis. Kamera ga yasukatta node, tsui mite shimaimashita. Puisque les appareils photo étaient bon marché, j'ai fini par les regarder. Anna était captivée par les appareils photo exposés dans le magasin et a perdu de vue ses amis, c'est bien ça? C'est juste. Kamera signifie « appareil photo ». Na est la particule qui indique un sujet. Yasukatta signifie « était bon marché ». C'est la forme au passé de l'adjectif yasui, bon marché. Comment dit-on « cher », le contraire de yasui? On dit takai. Node est une particule que l'on utilise lorsque l'on fait référence à un motif, une cause. Tsui signifie « juste », sans réfléchir. Cela signifie que l'on a fait quelque chose malgré soi. Mite shimaimashita signifie « a juste regardé quelque chose sans réfléchir ». Mite est la forme en te du verbe mimasu regarder et elle est suivie de shimaimashita. Nous avons appris que si l'on ajoute shimaimashita après les verbes à la forme te, on exprime ainsi le fait que l'on a fait quelque chose avec négligence ou distraitement. On a appris cela dans la leçon 18. Vous êtes douée, Mélanie. Sur ce, écoutons de nouveau le sketch de la leçon 19. Notre phrase clé aujourd'hui est... Yokatta. Ouf. Oi, Anna-san! Minna! Yokatta, shinpai shita yo. Gomen nasai. Kamera ga yasukatta node, tsui mite shimaimashita. Passons maintenant à notre rubrique intitulée « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, j'aimerais en apprendre davantage sur la forme passée des adjectifs. Demandons à notre professeur. Vous avez appris qu'il existe deux sortes d'adjectifs en japonais, les adjectifs en « i » et ceux en « na ». Les adjectifs en « i » sont ceux qui se terminent avec la syllabe « i », comme par exemple « bon marché ».« Yasui ». Les adjectifs en « na » sont ceux qui sont suivis de « na » lorsqu'ils qualifient des noms. « Aimez bien ».« Suki ». En est un exemple. Lorsqu'il qualifie un nom, il devient « Sukina ». Ainsi, le manga préféré d'une personne se dit « Sukina manga ». Pour obtenir la forme au passé des adjectifs en « i », il faut remplacer « i » par « katta ». Par exemple, la forme passée de « yasui ». Bon marché se dit « yasukatta ». La forme passée de « takai ». Cher et « takakatta ». Cependant, « yokatta ». Ouf, qu'on retrouve dans cette leçon, est la seule exception. Il se conjugue de façon irrégulière. Sa forme au présent, i, bon, devient yokatta au passé. Il faut donc le mémoriser. Pour mettre les adjectifs en i à la forme négative passée, on remplace i par kunakatta. Yasui, bon marché, par exemple, devient yasukunakatta. N'était pas bon marché. I, bon, devient yokunakatta. Pour obtenir la forme passée des adjectifs en « na », on ajoute « datta » après les adjectifs. Ainsi, « ski ».« Aimer bien, adorer » devient « ski datta ».« Aimer bien, adorer ».« Benri ».« Pratique » devient « benri datta ».« Était pratique ». Pour mettre les adjectifs en « na » à la forme négative passée, on ajoute « dewa nakatta ».« Ski »,« aimer bien » devient « Suki dewa nakatta. N'aimez pas bien. C'était notre rubrique Enseignez-nous, professeur. Voici maintenant notre rubrique Mots descriptifs des sons. Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. C'est le son du déclencheur de l'appareil photo qu'on relâche. On le décrit comment en japonais ? Kasha. Kasha ? C'est clic en français. C'est similaire, non ? Il existe un autre mot pour le son de l'appareil photo. Pachiri. Pachiri. En quoi est-il différent de kasha ? Pachiri exprime non seulement le son du déclencheur, mais aussi l'action de la personne qui prend la photo. Dans notre rubrique « Mots descriptifs des sons » aujourd'hui, nous vous avons parlé de... Kasha et de Pachiri. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique Les tweets d'Anna. Je me suis perdue et Sakura et Rodrigo se sont beaucoup inquiétés à mon sujet. Je suis désolée, mais pendant que je les attendais, j'ai acheté un appareil photo. Quel type de photo vais-je prendre avec ? La leçon 19 vous a plu ? Notre phrase clé aujourd'hui était... Yokatta. Ouf. Pour notre prochaine leçon, Anna et ses amis semblent avoir le projet d'aller au karaoké, un endroit où l'on chante en regardant un écran sur lequel défilent les paroles des chansons. Ne ratez pas cette leçon.